Alors de la fusion avec l'ajusteur de pensée à la fusion amoureuse, il n'y a qu'un pas qui va être très vite franchi. Quand un homme et une femme se rencontrent, ils sont deux qui ne veulent plus faire qu'un. Le problème, c'est de savoir lequel. Tomber en amour, c'est pas grave. Mais il vaut encore mieux prendre conscience de la chute. Savoir que c'est une maladie, le coup de foudre. Alors si on décide malgré tout de tenter l'expérience, il faut se définir suffisamment pour que l'autre ne nous bouffe pas tout rond. Il faut communiquer, et vite à part de ça, avant que les tuyauteries ne soient obstruées par les crises, les conflits, les reproches. Mais qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Comment éviter qu'entre les deux partenaires, les deux malades de tout à l'heure, la maladie, ne s'installe petit à petit l'indifférence, la méfiance, l'hostilité, résultat de l'incommunication? Voilà, le gros mot est lâché, ça sonne un peu comme excommunication. Quoi? La communication, c'est quoi de l'incommunication? Vous parlez des couples? Dans le couple. Ah. C'est un son indécent. Un son indécent? C'est pour ça qu'on tombe en amour. C'est quoi votre question? C'est quoi communiquer réellement d'un point de vue cosmique? Peut-être. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de communiquer dans un couple là? Pourquoi il y a tant de tensions et ça fait l'affaire de qui ou de quoi? Parce que les couples finissent toujours par se haïr. Même quand ils ne se le disent pas, attention. On peut faire semblant de s'aimer. Ils n'aiment pas beaucoup, hein. Se parler, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des façons de parler? Autre chose que des insultes ou des silences mortels? Parce que chacun des partenaires, là, il voit l'autre avec des défauts. En fait, il lui colle des défauts qui correspondent non pas à ses défauts, mais à la relation qui, elle, est dans les patates. Qu'il faut accepter de passer par une crise plutôt que de faire comme si tout allait bien. Ma grand-mère disait que l'important, c'est pas de rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux soi-même et d'offrir son bonheur à l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de ma grand-mère? Il doit y avoir des notions de territoire, d'espace, là-dedans, vital, psychique, psychologique, même physique, à respecter dans un couple. Si on ne veut pas finir comme des gruyères, à plein de trous. Pour vivre, là, pour respirer, pour nous développer, on a plus besoin d'espace vital dans le couple, et ça correspond à quoi, cet espace vital? Comment dit, amour toujours, là? Amour toujours, c'est un mythe, dans le fond. Là. Parce que ça, on le sait après, jamais avant. C'est l'amour toujours. Est-ce qu'il faut se garder un jardin secret dans la relation, ou bien on le doit tous dire? Ça fait le jeu de qui, cette incommunication? Parce que ça doit bien faire les affaires de quelqu'un, ça ne fait pas l'affaire du couple. Est-ce que là aussi, il y a des prédateurs qui utilisent notre énergie dans cette mauvaise relation pour se bâtir un septième ciel? Êtes-vous marié?